بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في باب جديد. Donc on termine la dernière fois tout ce qui est relatif à au Eid, salat du Eid, la khutba du Eid, certaines règles qui s'y rapportent. Et à compter de ce jour, nous rentrons dans Kitab Salat al-Kusuf, au Beb Salat al-Kusuf, qui est la salat de l'éclipse. Et on peut dire Kusuf et Khusuf. On peut dire les deux. Et l'éclipse concerne la lunaire et la solaire. C'est le même jugement pour les deux. Une éclipse lunaire ou une éclipse solaire sont les mêmes règles. يقول عن عائشة في الحديث 43 بعد المياه 43 حديث عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خصفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى 4 ركعات في ركعتين وأربع سجدات. عائشة rapporte que le Nabi صلى الله عليه وسلم à son époque, il y a eu une éclipse solaire. Donc, il a envoyé quelqu'un qui appelle et qui s'est mis à crier « As-salat jami'ah » pour avertir les gens de se réunir pour la salat. « Fajtama'ou la » se sont réunis. Et là, il s'est avancé. Il a fait le takbir, une salat de 4 rakat. Et dans chaque, toutes les 2 rakat, il y a 4 prosternations. C'est une salat qui a une façon particulière d'être accomplie. Pourquoi ? Car elle est à une situation particulière, qui sort du commun, qui l'éclipse. Donc elle aura une salat qui sera appropriée à cet événement-là, qui sortira des règles de base, comme cela viendra d'Inch'Allah dans les prochains hadiths. Yaqulu Fadilat Shi'a ibn al-Uthaymin. Il dit, Rawi, c'est Aisha, le rapporteur. Moudou al-Hadith, bayen hukm salat al-Kusuf, wa nidalaha, wa kayfiyatiha. Là, ce hadith vient pour montrer le jugement de cette salat du Kusuf, de l'éclipse, ainsi que l'appel à cette salat et comment est-ce qu'elle doit être accomplie. Yaqulu fi sharh al-ijmali, explication globale du hadith. Tukhbiru Aishatu radhiyallahu anha anna ash-shams khasafat fi ahd an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa kana dhalika fi al-yawm alladhi mata fi ibnuhu Ibrahim. Donc Aisha informe que il y a une éclipse solaire à l'époque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et cela le jour où son fils Ibrahim est mort en bas âge. Ce fils qu'il a eu de Maria Akoptia, qui était son esclave. Farsala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam munadiyan yunadi fi an-nas salat jami'a. Falamma ijtama'u fi al-masjid taqaddama an-nabi sallallahu alayhi wa sallam min makanihi haythu yusalli bihim. Fasalla bihim as-salah. La nazira laha fi ma ihtadahu an-nas min salatihim. Donc de là, les gens se sont réunis. Donc le Nabi Salam a envoyé une personne pour appeler les gens à faire la salat en criant « As-salat al-jami'a ». Là, les gens se sont réunis dans le masjid. Et là, le Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam s'est avancé à sa place d'imam, là où il faisait la salat pour eux de façon habituelle, et il s'est mis à accomplir une salat pour eux qui était justement inhabituelle, qu'ils n'ont jamais vue auparavant. « Salla bihim rakatayn fi kulli raka'a ruku'an wa sujoudan liyakun ayat al-shal'iyya kharajat al-nazairiha » Donc il a dit, il a fait une salat de 2 rakat, et chaque rakat comportant 2 inclinaisons et 2 prosternations. D'accord ? Chaque rakat comportant 2 inclinaisons, 2 recours et 2 prosternations. Afin que justement, comme cela est un signe législatif qui sort de sa base, dû à une situation d'un signe universel qui sort de sa base, qui était l'éclipse. يقول في فوائد الحديث زنسلموتش دو حديث مشروعيه صلاه الكسوف والاجتماع عليها كل اللي يجي de faire sa salat de l'éclipse et de se réunir à cette occasion là. ثانيا مشروعيه النداء لها بقول الصلاه جامعه وليس لها اذان ولا اقامه. كل اللي يجي faire justement d'appeler pour cette salat en disant as-salat jami'ah, et que cette salat n'a pas d'adhan ni d'iqama. ثالثا ان صلاه الكسوف ركعتان في كل ركعه ركوعا وسجودا. Cette salat de l'éclipse se compose de 2 rakat, et chaque rakat elle-même se compose de 2 inclinaisons et de 2 prosternations. Donc en tout, 4 inclinaisons et 4 prosternations dans toute la salat. Na'am. Hadha al-dhikr dhakara al-mu'allif al-yawm wa bi dhalika naktafi wa alhamdulillahi rabbil alamin.